Bonjour chers auditeurs et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Erika. Bonjour. Voilà, on est un Upper Intermediate Lesson. Qui est tout à fait génial parce que on a la chance aujourd'hui de descendre dans le sud de la France. Ce n'est pas vraiment la France. C'est vrai que ce n'est plus la France en fait. En fait, c'est une petite principauté. Oui. Monaco. Qu'on appelle aussi Monte Carlo. Et le plus important, c'est que c'est un endroit où on parle français. Tout à fait. C'est la langue officielle. Et en fait, c'est le pays le plus petit où on parle français. Oui. En même temps, c'est le deuxième pays le plus petit au monde. Ah bon? Donc, après le Vatican. San Marino. What about San Marino? Non, c'est le San Marino, c'est plus grand. Parce que Monaco ou Monte Carlo, ça fait que 2 km², donc... 2 km². C'est incroyable ça. Bon, mais Monte Carlo, c'est un endroit où il faut être riche, vraiment. La jet set. Voilà, il y a tellement de gens qui sont riches, beaux, célèbres. Oui, c'est ça. On va rejoindre deux d'entre eux, qui évidemment sont sur leur yacht, juste devant la ville. Ouais. Si c'était toujours votre rêve d'assister à une telle soirée, voilà, let's do it. Voilà ce qu'on vous propose dans cette leçon. Alors, quand est-ce que tu viens t'installer à Monte Carlo? C'est un vrai petit paradis, et pas seulement un paradis fiscal. Ça me plaît d'assister aux fêtes des Grimaldi, de temps en temps. Mais je crois que je m'en lasserai après quelques jours. Et en plus, mon cher, je ne suis pas pilote de Formule 1 comme toi. Je suis loin d'être assez riche et célèbre pour qu'on m'accepte. Tu dis ça, mais même moi? En perdant autant que toi au casino hier soir, je l'aurais remarqué. Ah bon? J'ai perdu? Oh, Max Massimilien, quel plaisir de vous revoir. Je ne vous ai pas revu depuis le bal de la Rose. Félicitations pour votre victoire lors du Grand Prix. Merci, merci. Comment allez-vous? J'ai entendu une rumeur à votre sujet. Vous-même et un certain prince du golfe persique. C'est faux, c'est un émir. Max Maximilien, regardez, Max Maximilien, s'il vous plaît. On est de retour. Premièrement, prononciation. Alors, ces bateaux, on les appelle des yachts. Yacht, ok, les bateaux de luxe. Alors, on a deux personnes, ils sont en train de vivre la vie des riches. La personne qui est le pilote de Formule 1, il vit à Monte Carlo. Allez-vous savoir quand l'autre... Quand est-ce qu'il va venir habiter à Monte Carlo? Parce que c'est un paradis. Un vrai petit paradis. Pour lui, ouais, pour lui, la jet set. Si on est jet set, c'est un paradis. Et si on est riche, c'est un paradis aussi. Pourquoi? Parce que c'est aussi un paradis fiscal. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire qu'il ne faut pas payer d'impôts. En tout cas, presque pas. Les impôts sont très faibles. Alors l'autre, il est vraiment cool, tu sais, parce qu'il dit qu'assister aux fêtes de Grimaldi de temps en temps, ça va, mais tu le tends quand même. Donc il n'est pas étranger à Monaco, vraiment. Il connaît un peu. Ok, d'abord, les Grimaldi, ce sont qui? Alors c'est la famille princière qui gouverne Monaco. Ce sont tous ces princes qu'on connaît très bien, le prince Albert. Voilà. Princesse Stéphanie. Et ils sont tous très célèbres à cause de leur mère. La fameuse Grace. Grace Kelly. Ouais. Qui l'a rendu très célèbre, les Grimaldi. Est-ce qu'il dit après, mais je crois que je m'en lasserai. Sauf se lasser, voilà. C'est le verbe. Un synonyme serait de dire, ça le fatiguerait après un petit mois. S'ennuyer. Ça deviendrait ennuyeux après un petit bout de temps. Et en plus, il se moque un peu en disant de son ami en disant « Moi, je ne suis pas pilote de Formule 1, je ne suis pas aussi riche, je ne suis pas aussi célèbre. » Ok, so, voilà. Race car driver. Oui, et d'ailleurs, il y en a une qui se déroule à Monaco. On dit pilote. Oui, pilote quand c'est une voiture. Et évidemment, tu sais, pilote européen, oui. Il en y a beaucoup à Monte Carlo, en fait, ouais, qui habitent là-bas. Il y en a beaucoup qui sont installés à Monte Carlo. Mm-hmm. Parce qu'ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Et c'est un paradis fiscal. Exactement. Comme le monsieur ici, Max Maximilien. Max Maximilien. Ouais. Il faut être accepté pour vivre à Monte Carlo, en fait. Oui. N'importe qui ne peut pas vivre là-bas. Pas du tout. Il y a tellement d'avantages. Tout le monde voudrait y aller. En plus, ce n'est que 2 km². Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est vrai. Donc, il y a des conditions à remplir. OK. Premièrement, il faut être vraiment riche pour qu'on accepte. Oui. Ou bien, il faut être monégasque. Il faut être né là-bas. Il faut être résident là-bas déjà depuis longtemps. OK. Évidemment, il est assez riche. Et c'est juste qu'il se moque. Oui, j'ai envie de le plaindre. J'ai mal au cœur pour cet homme. Ouais, parce que son ami Maximilien, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, même moi, en perdant autant que toi au casino hier soir, je l'aurais remarqué. Alors, en perdant autant que toi au casino hier soir, je l'aurais remarqué. So, par exemple, en sortant autant que toi le week-end passé, je n'aurais pas pu retourner au travail le lundi matin. D'accord. Bon exemple. Et moi, c'est l'inverse. En dormant autant que toi le week-end passé, je n'aurais pas pu trouver l'énergie de revenir au travail le lundi matin. C'est bizarre, comme tout le monde est très différent, non? Ouais. En tout cas, la réflexion ici est vraiment bizarre, je trouve. Oui, parce que Monte Carlo est aussi célèbre pour le casino. Très célèbre. Beaucoup de gens viennent du monde entier rien que pour aller jouer là-bas. C'est rare de gagner. Au casino, ouais. Mais tout le monde est si riche qu'on ne remarque même pas. Comme ce monsieur-là a dit, ah bon, j'ai perdu? Oh, je savais même pas. C'est pas un problème. Ouais. Et voilà, ils ont... Monaco, c'est très petit. Oui. Donc évidemment, tout le monde se connaît un petit peu, peut-être. Mais peut-être, comme cette fille qui s'approche. Oh, Max, Maximilien, quelle joie de vous revoir. Est-ce qu'on dit vraiment ça? Est-ce que je pourrais dire ça à quelqu'un? C'est très sophistiqué. Ah bon? Quand même, oui. Voilà, c'est pas très familier. Ok. Et elle continue en disant qu'ils ne se sont pas vus depuis le bal de la rose. Alors, c'est quoi le bal de la rose? Alors, c'est une fête annuelle qui se déroule au mois de mars, qui est organisée plus ou moins par la famille princière, donc par les Grimaldi, et qui est une fête organisée pour avoir de l'argent pour la fondation Grace Kelly. It's a charity function. Voilà. C'est chaque année. Oui. And it's really the who's who. Bien sûr, parce que pour y participer, en fait, il faut payer énormément d'argent. Yeah. But hey, it's all for charity. C'est le bal de la rose. Et c'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Mais ce qu'elle a dit, je ne vous ai pas revu depuis le bal de la rose. Pourquoi elle a dit revu et pas vu? Est-ce qu'elle peut dire également, je ne vous ai pas vu depuis le bal de la rose? Ce serait correct également. Les deux sont acceptables. Oui. Ok, bon. Ah oui, elle n'a pas vu Maximilien depuis sa victoire. Donc, il est temps de lui dire félicitations. Ouais. Et puis, il répond avec « Oh, il y a un bruit qui court. » Une rumeur même. J'ai entendu une rumeur à votre sujet. Il n'a pas vraiment dit c'est quoi la rumeur. Le sujet, c'est vous-même et un certain prince du golfe persique. Oui. Donc, c'est comme ça on dit « Persian Gulf ». C'est ça. Nous, on emploie l'adjectif « persique ». Ok. Mais là, elle est offusquée. Mais non! C'est faux! Comment peut-on dire une chose pareille? Parce que c'est un ami. Mais oui! Ce qui est plus haut qu'un prince. Ouais, voilà. Attention. Et maintenant, il est temps d'écouter le dialogue à nouveau. Alors, quand est-ce que tu viens t'installer à Monte Carlo? C'est un vrai petit paradis, et pas seulement un paradis fiscal. Ça me plaît d'assister aux fêtes des Grimaldi, de temps en temps. Mais je crois que je m'en lasserai après quelques jours. Et en plus, mon cher, je ne suis pas pilote de Formule 1 comme toi. Je suis loin d'être assez riche et célèbre pour qu'on m'accepte. Tu dis ça, mais même moi, en perdant autant que toi au casino hier soir, je l'aurais remarqué. Ah bon? J'ai perdu. Oh, Max Massimilien, quel plaisir de vous revoir. Je ne vous ai pas revu depuis le bal de la rose. Félicitations pour votre victoire lors du Grand Prix. Merci, merci. Comment allez-vous? J'ai entendu une rumeur à votre sujet. Vous-même et un certain prince du golfe persique. C'est faux, c'est un émir. Max Maximilien, regardez, Max Maximilien, s'il vous plaît. First, we're going to have the subjonctif tip of the day. On a un petit subjonctif qui s'est glissé dans le texte. That's right, and it's pour que. Say the sentence where we have it. Je suis loin d'être assez riche et célèbre pour qu'on m'accepte. So pour que, uses the subjonctif, et ouais. We have pour qu'on m'accepte. So, for example, ce soir, je vais t'envoyer un texto avec l'adresse pour que tu puisses venir. Merci, ok. Because if you don't have the address, tu ne peux pas venir. D'accord. Je te l'enverrai pour que tu puisses venir. Et moi, je te renverrai un texto pour que tu saches que j'ai bien l'adresse. Alors, pour que je sache que tu as bien reçu mon texto, tu vas me répondre. Voilà, comme ça, c'est clair. Great. That's the subjonctive of the day, is that pour que uses the subjonctive. Well, there's a lot of interesting things about Monaco, actually. C'est quand même un pays assez spécial. Because it's so small, like you said, 2 km², which is super tiny. C'est vraiment une petite enclave sur la côte française. C'est situé entre Nice et la frontière italienne. And it's really old too. It's like hundreds of years old. Ouais. But it used to be not that cool actually. Ça n'a pas toujours été la situation qu'on connaît à présent à Monaco. It didn't have a good reputation. It used to be kind of a seedy place. Until... Jusqu'au mariage du prince Rainier avec Grace Kelly. Changed the whole thing. Voilà, oui. Now it was a really cool place. And all the movie stars and everybody who the who's who wanted to be seen in this 2 square kilometer place, right? Carrément. Et en plus, c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Hein. Sure, because there's the paradis fiscal, like you said before. Donc évidemment, le fait de ne pas payer beaucoup d'impôts, ça attire pas mal de gens. Right. Et en plus, tu vois, je crois qu'il y a quelque chose comme ça chez les vedettes, chez les stars, comme dans le dialogue. Tu sais, quand il y en a une qui fait quelque chose, les autres doivent l'imiter. Tiens, moi j'ai un appartement à Monaco. Erika, tu n'as pas encore un appartement à Monaco? Mais enfin, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Stay at a symbol. Dépêche-toi. Yeah, especially because you do have to be accepted to live there. Oui. Not just anybody can live there. So obviously there's a prestige behind it that if you get accepted, you must be pretty important. Exactement. If the Grimaldis accept you. The most interesting fact, Monaco is the smallest country in the world where French is the official language. Donc voilà, si vous passez par la France, peut-être essayez de passer voir Monaco. Et en attendant, passez-nous voir aussi sur FrenchPod. This site is FrenchPod.com. If you have any questions or anything, come check it out. You can ask us. Ouais. So, merci. À très bientôt. Au revoir.